Benoît Véro, voici donc pour elle bien deux chansons. Céline Dion, Je pars tout simplement. Et juste après, elle écoutera tout simplement Goldman. Le titre, je ne sais pas. Traverser des mers, je saurais faire des fées, des machines, naviguer des lois, les foudres divines, ça ne ferait pas. Voilà donc, je viens du côté du Tyrol. Can you feel? Je suis là-haut sur la montagne. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel.

Arc-en-ciel. Toi t'aurais voulu louer ma blesse, mais les propositions qu'on t'a faites, ce sont des grands mélodes d'amour. Dans ton uniforme de vedette, tu fais des shows et des conquêtes. Tu t'es fait débrider les yeux, mais comment faire pour qu'il soit bleu? Avec toi, ne me

para dançar a dança do mangolé. Vieram me convidar. Quem vai? Sou eu. Dançar. Com o fofo, o rapaz que conheci, me convidou agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. O fofo me convidou, me conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo. O fofo me convidou, conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo, é dança do mangolê. Ai uê, ai uê, é dança do mangolê. Quero dançar com o fofo, quero dançar. Christophe Maïs avec sa danse, sa donne. Et juste après, avec lui derrière, c'est Karine Hacha. Oh non, non. Non, non, non, non. Si tu es du genre à laisser moi au pluriel, gentiment arrête de demander d'aller voir ailleurs. Si tu l'as suivi, attiré par la lumière, les yeux peuvent s'éblouir sans poser des doigts ailleurs. Elle garde son corps mais sa danse donne ce que vendent les top modernes en vogue. Et sans cesser que la note sonne, à chaque pas ça balance. Elle garde son corps mais sa danse donne ce que vendent les top modernes en vogue. Et sans cesser que la note sonne, à chaque pas ça balance. Elle se raccroche au décibel et puis disparaît. Pendant que les hommes lui mentent au démentiel, elle sait bien qu'elle échappera au loup seulement si elle. Oh, oh. Elle garde son corps mais sa danse donne ce que vendent les autres modèles en vogue. L'essentiel c'est que la note sonne, à chaque pas ça balance. Elle garde son corps mais sa danse donne, elle échappera au loup. L'essentiel c'est que la note sonne, elle t'échappe de balance. Non, non, non, non. non, non, non. Balancer, balancer, balancer. Ça balance, c'est la trance. Elle remue son corps mort, faut quand elle se penche. On est là, on est bien. Ce n'est pas un ordre, mais s'enlève les pères. J'aimerais bien pouvoir la frôler. Puis chuchoter mon amour, ma chérie, ma beauté. Mais elle est sensuelle, le trouver dans elle. Sa peau d'ébène, lui, elle est plutôt sexy. Et j'imagine un collet serré, un corps à corps et encore en toute intimité. Et là, je m'oublie, je me laisse aller. J'envoie les mains sans qu'elle puisse m'échapper. Elle garde son corps, mais sa danse dans. Ce que vendent les top modèles en vogue. L'essentiel, c'est que la note sonne. À chaque part, ça balance. Elle garde son corps, mais sa danse donne. Ce que vendent les top modèles en vogue. L'essentiel, c'est que la note sonne. À chaque part, ça balance. Oh, elle remue son corps, mon fou quand elle se penche. Oh, na na na na na na na na na na. Choisis pas d'aimer, ainsi affleurant, soupirant.

l'intérieur de moi. Comme le verre dans le fruit, tu es en moi, tu es en moi, tu es en moi. Un petit peu de toi à l'intérieur de moi, de moi. Comme l'étoile à la nuit, tu es en moi, tu es en moi. Si on ouvre le cœur, si on ouvre le cœur, le cœur. Oh,

96.2. Durant toute mon enfance, je me baignais dans un bain d'insouciance. J'attendais tout ce que j'ignorais. Pendant mon adolescence, je méprisais tous mes rêves d'enfance. J'attendais l'homme que je serais. Il a suffi d'une fille pour m'arrêter. D'un amour d'autant plus fort qu'il était premier. J'ouvrais le dialogue avec ma conscience, décidant de vivre comme un grand. J'ouvrais lentement les yeux, voulant tout voir pour me connaître mieux. Avec le country, puis juste après Baltimore. Sitting in my

Voici quelques chansons de rap. Comme dans les rues de Turquie, oh, comme Biggie dans un cookie.

c'est cette chanson de Céline Dion qu'on va se dire bonsoir, qu'on va se retrouver prochaine fois. Voilà donc. Et puis aussi, j'espère que vous avez passé l'après-midi. Pour vous, bien, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, un bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Bonsoir à tous et à vous toutes.